La chronique cinéma. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais ? Tu deviens complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin ! Lutin, malin, pestil ! Waouh ! Je la veux encore ! Ça ne doit plus arriver ! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver ! Franchement ! Voilà. C'est à moi. Je suis Marraine la Bonne Fée. Bon con, bonne conne, chers amis auditeurices, bonjour à tous et bienvenue dans la chronique cinéma d'Hubert Félix Typhon. Aujourd'hui, pour les 2 semaines de Radio Bon Con et pour la 10e chronique cinéma, j'ai eu le désir d'en faire une un peu spéciale. Les Bon Cons, avant d'être une grande famille de guélurons, c'est avant tout un mélange de personnalités talentueuses, attachantes, attachiantes, pleines d'amour, pleines d'humour, pleines de rêves aussi. N'est pas Bon Con qui veut. Un bon con, ça a aussi le sens du partage. Alors aujourd'hui, et pour lui rendre hommage, partageons la liste des films favoris de notre ami Théo Gendry. En premier lieu, cap sur les films de Denis Villeneuve. Je vous les ai évoqués hier, ils sont tous des petits chefs-d'œuvre. Et Théo, après avoir vu Sicario, avait regardé toute sa filmo. Spécialiste du thriller psychologique à l'orée de la science-fiction, Denis Villeneuve a 9 films à son actif. Dans l'ordre, Un 32 août sur Terre, Maelstrom, Polytechnique, Incendie, Prisoners, Ennemi, Sicario, Premier Contact, Blade Runner 2049. C'est avec ces 2 derniers qu'il se plonge totalement dans la science-fiction. Et fin 2020, nous aurons le plaisir de découvrir Dune, premier chapitre du roman éponyme de Frank Herbert, déjà adapté au cinéma par David Lynch et en mini-série par John Harrison, une nouvelle adaptation pour laquelle, en tout cas, Théo n'avait pas caché son enthousiasme. Oh yeah ! Dans un second temps, zoom sur Big Fish de Tim Burton, un film auquel Théo vouait un amour profond et qui raconte l'histoire d'Edward Bloom, un homme à l'imagination débordante qui, atteint d'un cancer, va faire le récit de sa vie à son fils William. On assiste donc au roman onirique d'Edward Bloom, qui nous livre sa jeunesse et ses secrets dans un univers fantasmagorique que l'on connaît bien à Tim Burton. L'occasion de repartir dans une aventure aux côtés d'Ewan McGregor, joyeux anniversaire à Ewan McGregor, qui campe le personnage d'Edward Bloom jeune. Côté cinoche français, Théo avait un penchant pour les réalisateurs de l'absurde, ceux qui font preuve d'un certain génie dans l'écriture et dans la mise en scène, à base de beaucoup d'humour, de mise en abîme et de situations cocasses. Alors bien sûr, il y a les films de Quentin Dupieux, mais il y a aussi ceux d'Albert Dupontel, notamment le film Le Créateur, sorti en 99, que Théo citait souvent parmi ses films de référence. Le Créateur met en scène Darius, un auteur de théâtre victime du syndrome de la page blanche. Mais alors que l'inspiration ne lui vient toujours pas, tous les dispositifs autour de sa future pièce sont sur les rails. La publicité est lancée, les acteurs sont engagés et commencent à répéter. Un film sur une œuvre qui dépasse le maître, en tout cas c'est drôle, c'est fin, c'est intelligent et je vous invite à le découvrir. Oh yeah ! Autre petite pépite que Théo nous a fait découvrir et qu'il faut continuer à partager à tout prix, Les Bêtes du Sud Sauvage de Ben Zetlin, réalisé en 2012. Le film se déroule en Louisiane et nous raconte l'histoire d'Hush Puppy, 6 ans, qui vit avec son père au sein d'une petite communauté dans un endroit très pauvre, appelé le bassin, et menacé par la montée des eaux. On suit Hush Puppy dans un voyage initiatique, fantastique, qui, au gré de ses errances et de son apprentissage, va faire d'incroyables rencontres. C'est un film d'une beauté rare dont je vous laisse découvrir un morceau de BO, et pour ça, merci Toyo. Thank you. Pour continuer à vous citer les films que Théo appréciait, il y a « C'est arrivé près de chez vous » de et avec Benoît Poelvoorde, ou encore le fameux Billy Elliot de Stephen Daldry. Affection aussi pour What We Do in the Shadows, un faux documentaire sur des vampires en colocation, rondement bien mené et très feel good. Pour la petite anecdote, il a donné à Théo une crise de fou rire incontrôlable alors qu'il était confiné dans un bus direction Prague. Un film qui m'a également été suggéré par Vanessa, mon oracle en vampire, je l'ai découvert la semaine dernière et vous le conseille également. Et comme tout bon con qui se respecte, Théo était aussi un grand fan du Seigneur des Anneaux. Le confinement, c'est aussi l'occasion de revoir la trilogie en version longue, environ 12 heures de film, pas le temps de s'ennuyer, à penser, c'est déjà fait. Oh yeah! À présent, texte inédit. En parallèle de sa cinéphilie, Théo avait aussi des idées, de belles idées, et il les écrivait. Louison a pu récupérer un morceau de synopsis que Théo avait rédigé, et comme la radio, c'est aussi l'occasion de partager, je laisse Madame Louison vous lire cette idée de scénario. Dans le turfu, lorsqu'un proche meurt, une compagnie propose de sauvegarder sa conscience et de développer un clone qui arrive chez toi, bébé, et dont il faut s'occuper durant sa croissance. Accéléré, mais quand même pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il soit assez mature physiquement et psychologiquement pour recevoir cette conscience. C'est l'histoire d'un personnage qui perd l'amour de sa vie, qui avait souscrit à cette assurance, mais qui finit par développer un amour parental pour ce clone dont il s'occupe pendant plusieurs années. Et il décide, le jour de l'implantation, et après une dure lutte intérieure, de sacrifier la conscience de son amour pour laisser vivre à son clone sa propre vie. Théo Gendry, mai-juin 2019. Nous arrivons à la fin de cette chronique. Un grand merci à Madame Mona et à Madame Louison pour avoir contribué à sa préparation. Théo, j'espère que tu aurais été fier de nous. D'habitude, chez les Broncons, un projet met 1 ou 2 000 ans à se concrétiser. Et là, on a fait une radio en 1 ou 2 jours. Oui, ça nous embouche tous un coin. Et puis, on rigole bien. Mais j'imagine que toi aussi. De notre côté, on continuera à partager les choses que tu aimais. Parce que c'est ça aussi être bon con, c'est aimer. Amour sur toi, Toyo. Amour sur ta famille. Amour sur les Broncons. La chronique cinéma. C'est pas quoi faire. Est-ce que je fais ? Tu deviens complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je te parle de ton fils. Mais enfin ! Lutin, malin, pestil ! Waouh ! Je la veux encore ! Ça ne doit plus arriver ! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver ! Franchement !